Anyang. Lundi 12 avril, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Le transport de Bujumbura Safi Beach et cercle nautique est fermé dès ce lundi suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Ainsi décide conjointement le maire de la ville de Bujumbura et l'agence routière du Burundi. Manque de sucre dans certaines boutiques des zones urbaines de Buiza et Jabé. Dans ce journal, on fera le point. Dans la chronique sportive de ce lundi, on vous parlera des critères pour devenir arbitre de rugby. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Elie Kadog. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, je venais de vous l'annoncer, le tronçon port de Bujumbura, cercle nautique passant par Safi Beach de l'avenue du Large est fermé dès ce lundi suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, une décision prise par la mairie de Bujumbura conjointement avec la direction générale de l'agence routière du Burundi après une visite sur les lieux. Suivez ingénieur Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu sur différents médias burundais. On nous a expliqué et vous le constatez que le lac Tanganyika continue à monter. Comme le lac Tanganyika a continué à monter, ça a commencé à endommager cette route et nous avons pris la décision urgente de fermer complètement la route pour éviter que des personnes puissent y avoir des accidents ou bien que la route puisse être endommagée davantage par les véhicules qui y passent parce que quand le lac monte, la route est gorgée d'eau. Quand la route est gorgée d'eau, son endommagement est rapide s'il y a des passages de véhicules. Ce que nous comptons faire, c'est de prendre un peu, de se donner du temps, observer le comportement du lac Tanganyika, puis prendre une décision en fonction de son comportement. La décision que nous venons de prendre, c'est de fermer complètement la route, du moins l'accès des véhicules, surtout les poids lourds, même les petits véhicules, maintenant, ne peuvent pas passer. Ingénieur Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi. Et certaines avenues du centre-ville de Bujumbura sont menacées par des nids de poules. Exemple, c'est de l'avenue passant devant le siège de la Banque de la République du Burundi. Des personnes exerçant leurs activités près à cet endroit déplorent la stagnation des eaux de ruissellement, ce qui handicape la circulation des véhicules. Le point avec Vestine Utoy. Ces routes du centre-ville Bujumbura menacées de nids de poules, la première visitée est celle du boulevard de l'Indépendance. Dans sa partie située tout près de sa jonction avec l'avenue de l'Université, les nids de poules sont serrés, de façon qu'on n'y voit plus de goudron, sauf la terre. D'autres nids de poules s'observent tout près de l'allée, donnant accès au portail du stade Inouari. Dans le prolongement du boulevard de l'Indépendance, du siège de la banque Finbank jusqu'à la librairie Saint-Paul, les nids de poules se séparent d'une distance d'au moins 5 mètres. La deuxième visitée est la rue passant devant le siège de la Banque de la République du Burundi. Dans sa partie proche de la route allant vers la cathédrale, des nids de poules pleins d'eau stagnante s'éparpillent ici et là. Le gravier a remplacé le goudron. Sur ce lieu, des véhicules s'y passent à une petite vitesse. Certaines personnes exerçant leurs activités dans cette localité disent qu'après la tombée de la pluie, ces nids de poules provoquent la stagnation des eaux de ruissellement, ce qui cause souvent des accidents de roulage suite à la non-maîtrise de la grandeur de ces nids de poules. En outre, ces personnes déplorent la réduction de leur clientèle, sauf les fidèles. Ces personnes exerçant leurs activités tout près de la rue qui mène au siège de la Banque de la République du Burundi demandent sa réhabilitation pour favoriser la circulation. C'est au moment où l'avenue de l'industrie, passant devant l'Interbank, est en train d'être réhabilitée. Vestine Utoy. Sur ce, Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, dit être au courant de cette situation et rassure que les travaux de réhabilitation sont en cours. On l'écoute au micro de Jean-Marie Mayong. L'état des routes dans la ville de Bujumbura est vraiment à un point où il faut penser autrement. Et nous avons commencé les petits travaux de réhabilitation. Nous avons commencé, c'est vrai, nous devons continuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous évaluer. Nous sommes dit qu'il faut plutôt mettre de la vitesse pour sauver les routes de la ville. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro. Poursuivons cette édition. Les administratifs sont appelés à être vigilants quant au respect des mesures barrières contre le COVID-19. Lors de la présentation du bilan trimestriel et des réalisations du ministère ayant chargé l'intérieur dans ses attributions vendredi dernier, le ministre Gervais Ndirakobuchai leur a conseillé eux-mêmes de se faire dépister de temps en temps. Il a également rappelé aux transporteurs de vérifier le port des masques par les passagers. On l'écoute. Ceux qui font le transport en commun, vérifiez si les passagers portent les masques. Là, on aura posé un bon geste. Avez-vous déjà vu comment les gouverneurs de province sont stressés quand les cas positifs sont nombreux? Alors, mettons-nous dans leur place et incitons les gens à respecter les mesures barrières. Tous les administratifs, les agents de l'ordre, restez vigilants, que les kalaokés restent fermés, parce que si on n'en arrive pas à zéro cas positif, il y aura toujours des cycles interminables de contamination. Continuons à sensibiliser et les fonctionnaires, mais aussi les commerçants, parce que quand on baisse les bras, cette pandémie emporte la vie des personnes importantes dans la société. Vous les administratifs, ayez l'habitude de se faire dépister au moins une ou deux fois par semaine parce que vous êtes souvent en contact avec beaucoup de gens et là vous saurez votre état de santé constamment. Le ministre Gervais Ndirakobuchai ayant dans ses attributions l'intérieur traduit par Aubin Niyonkuru et les propos ont été recueillis par Patrick Nsengiumba depuis Kayanza. Et en province Muyinga, l'hôpital de référence de cette province est débordé par des malades. Certains patients passent la journée à l'extérieur par manque de place dans les salles d'hospitalisation. Abadi Mounienhoari, directeur de cet hôpital, indique que depuis sa création, cette institution sanitaire n'a jamais été agrandie, mais qu'elle a entamé des travaux de construction pour alléger cette situation. Le point avec Pierre Clavier à Barundi depuis Muyinga. La voix que vous entendez est celle d'une infirmière de l'hôpital de référence de Muyinga qui demande à certains patients et aux gardes malades de dégager la salle d'hospitalisation afin qu'elle puisse administrer des soins aux autres. L'hôpital est débordé, surtout dans les services de maternité, de pédiatrie et de néonatologie. Des malades passent la journée à l'extérieur, sauf s'il pleut. Abadi Mnyenwari est directeur de cet hôpital. Il en présente la situation. L'hôpital de Muyinga accueille beaucoup de patients par rapport à sa capacité. C'est un hôpital qui date de longtemps et il n'y a pas eu d'amélioration pour construire d'autres maisons qui devraient abriter des malades. C'est pourquoi il y a certains malades que nous devrions garder à l'extérieur pour faciliter les soins. Il indique que dans le plan de développement de cet hôpital, il est prévu de construire d'autres bâtiments qui pourront apporter alléger mieux aux malades. Nous avons déjà inauguré les travaux de construction du bâtiment Mère Enfant. Les constructions sont presque à 30-40% et nous espérons que d'ici 5 mois, ce bâtiment sera achevé et va nous aider à améliorer la santé maternelle et infantile. Abadi Mnyenwari reste optimiste et croit que d'ici 2 ans, le problème de salle d'hospitalisation sera réglé. Pierre Claver Barundi Muyinga, Radio Isanganiro. De Muyinga, revenons à mairie de Bujumbura pour parler commerce. Il y a manque de sucre dans certaines boutiques des zones urbaines de Buiza et Buyenzi. Cela fait plus de 2 semaines. Les détaillants les consommateurs disent qu'ils n'en trouvent pas et demandent qu'ils soient approvisionnés en sucre. Des fois où ils en trouvent, ils en achètent. Les consommateurs en achètent à la cuillère. Le point avec Omer Ndouayou. Là où on est passé, en zone Buiza et Buyenzi, dans plusieurs boutiques et alimentations, lorsqu'on demande du sucre, les commerçants sont surpris. Ils affirment que 2 semaines viennent de s'écouler sans recevoir du sucre. On ne trouve pas du sucre ces jours-ci. On ne sait pas pourquoi. Nos clients se lamentent. ici à Buyenzi, on trouve du sucre à peine. Quand nous nous rendons chez les grossistes, ils nous indiquent qu'ils ne sont pas approvisionnés par les fournisseurs. Nous l'achetons souvent aux grossistes de la 13e avenue et celui de la 6e avenue. Pour le moment, on nous dit qu'il n'y en a pas. Les consommateurs ne comprennent pas pourquoi cette pénurie du sucre. Ils disent qu'ils n'arrivent même pas à avoir le peu pour le thé à donner à leurs enfants. J'ai bien cherché du sucre ce matin à la boutique, mais enfin, quand on a de l'argent, on achète un kilo ou un demi-kilo. Nous demandons le secours aux autorités habilitées avant que la question ne s'aggrave. Moi, j'utilise le sucre dans mon restaurant lorsque je prépare du thé, mais quelques boutiques ici n'en possèdent plus. On fait des trajets jusqu'à la 2e, 3e, 4e avenue en vain. C'est sur la 11e avenue qu'on en trouve en petite quantité. Même les grossistes ne savent pas où se situe le problème. À l'unisson, les consommateurs et les commerçants demandent aux autorités habilitées de régler cette question dans les meilleurs délais. Omer Ndouayo, nous n'avons pas encore réussi à contacter les responsables de la société sucrière du Mosso au bureau de Bujumbura. En page sécurité, les toitures de 4 classes à l'école fondamentale de Kibati en zone Massango de la commune Bukinanya, en province de Bujumbura, ont été emportées par en province Chibito, qui plutôt ont été emportées par des vents violents, mais les degrés de ce dimanche soir. Des champs de culture ont également été endommagés. Des personnes affectées demandent assistance. Le directeur de l'école, quant à lui, demande la construction, surtout que c'est une situation intervenue la veille de la reprise des cours pour le troisième trimestre. De son côté, Céleus Buadimugwango, chef de zone, sollicite une assistance en tôle. Une personne a été arrêtée ce dimanche à la 4e avenue du village 4 en commune Gihanga de la province de Bubanza et il a été conduit au cachot du commissariat communal de police de Gihanga. Les voisins indiquent que cet habitant du village 4 est accusé d'avoir tué sa femme dans la nuit de samedi à dimanche à l'aide d'une houe usée qui a été également saisie par la police. La même source précise que la victime s'était séparée de son mari et qu'il y a 3 mois qu'elle était revenue à la maison ce lundi matin. La mère de cette femme tuée était en train de chercher un orphelinat qui pourrait accueillir un enfant de 9 mois laissé par la femme tuée. Et la police dit qu'elle continue ses enquêtes. Poursuivons cette édition de 101 écoliers de l'école fondamentale Mathias Zoin en commune Nyamurenza de la province Ngozi ont été déplacés ce lundi vers Mathias 2 à ce premier jour de la rentrée scolaire pour être avec ceux de cet autre établissement. À l'origine, la réhabilitation des salles de classe qu'ils occupaient, empruntées par la paroisse catholique de Nyamurenza. Le directeur de cette école fondamentale indique que ces écoliers seront casés dans une même salle, étant à plus de 90, ce qui aura un impact sur le rendement de ces élèves, selon le directeur Eli Ndayizeye. Et ce responsable envisage d'organiser la double vacation pour le désengorgement. Certains vont suivre les cours l'avant-midi et l'après-midi. Lors de sa visite ce lundi à cette école, le gouverneur de la province Ngozi, Epipo de Baranikwa, compte rencontrer le curé de la paroisse afin de décider en faveur de ses enfants. Contactés, Jean Eden Gendakumana, curé de la paroisse, parle d'une incompréhension avec la direction de l'école et cette réhabilitation se fait de manière à ce que les élèves puissent continuer les cours et cela selon le curé de la paroisse jusqu'à ce qu'ils aient leurs propres locaux. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive de ce lundi nous parle des critères pour devenir arbitre de rugby. La chronique est signée Marie-Claire Cazenez. Pour devenir un arbitre de rugby, on doit bénéficier des formations de niveau 1 jusqu'au niveau 3. C'est l'explication d'Albert Avialimana, président de la Fédération burundaise de rugby. Pour devenir un arbitre de rugby, il faut faire des formations et puis il faut avoir des certificats. Il y a des formations locales qu'on fait ici. Tu peux prendre une semaine, 2 semaines. Et puis, après la formation locale, il y a la formation internationale qui forme les arbitres. Et là, tu peux avoir le niveau 1. quand tu as le niveau 1, tu peux passer au niveau 2, niveau 3, ça dépend des compétences du formé qu'il a et de sa condition physique aussi, parce que la condition physique d'un arbitre de rugby compte beaucoup. Pour arbitrer les matchs internationaux, l'arbitre doit avoir le certificat de la formation internationale. Mais lorsqu'un pays est mandaté pour organiser les compétitions internationales, les arbitres locaux de ce pays ont l'autorisation d'arbitrer ces matchs. Pour arbitrer les matchs internationaux, il faut d'abord avoir des certificats internationaux, bien sûr. Mais des fois, pour des matchs, qu'ils soient internationaux ou pas, qui se déroulent dans le pays de l'arbitre, avec le niveau 1, il peut arbitrer. Avec le niveau 2, il peut arbitrer. Mais tu peux pas être appelé par le rugby Afrique ou le World Rugby pour aller arbitrer des matchs internationaux ailleurs sans avoir le niveau 3. Ce président de la Fédération burundaise de rugby indique que les arbitres font leur métier en se référant sur les lois de la Fédération internationale de rugby. Tout le règlement du rugby est mis par le World Rugby. Je dirais la Fédération internationale de rugby. À chaque année, il y a des changements qui se font dans le règlement du rugby. La fédération internationale communique aux fédérations et puis les fédérations mettent en place cette loi qui a changé. Mais sinon, le règlement est mis en place par les experts de World Rugby. Dans la prochaine chronique sportive, Albert Havdialimana expliquera comment se fait la collaboration entre l'arbitre central et ses assistants lors des compétitions, ainsi que les sanctions infligées aux arbitres qui violent le règlement régissant le sport de rugby. Actualité internationale. Actualité internationale à 13h12 dans les studios de la radio Isanganiro. L'Ouganda et la Tanzanie ont signé ce dimanche une convention de construction d'un trajectoire de pétrole d'un coût estimé à 3,5 milliards de dollars. Et l'ancien président tchadien Hissène Habré demande l'autorisation de sortir de prison pour des raisons de santé. Est-ce que les victimes ne comprennent pas les détails avec Yvette Nijimbiri? Le Gabon et la Tanzanie ont signé la convention de la construction de la trajectoire du pétrole entre ces deux pays. Dans sa première visite, la présidente Samia Suluhu Hassan a été accueillie par le président ougandais Yoweri Museveni. Ces deux pays ont signé une convention permettant de construire en trajectoire de 1443 km la première trajectoire du pétrole dans le monde, comme on l'a lu sur la RFI. L'ancien président tchadien Hissène a demandé l'autorisation de sortir de prison pour des raisons de santé, mais sa demande passe mal auprès des victimes de celui qui purge une peine de prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Lisons sur la RFI. À 2 mois des élections législatives et municipales en Éthiopie, les tensions ne faiblissent pas. Au mois de mars, des affrontements entre Amhala et Oromo, les deux principaux groupes ethniques du pays, ont fait plus de 300 morts selon RFI. Ces violences ont touché des zones de la région. C'est l'agression d'un imam devant une mosquée dans la zone spéciale d'Oromo qui aurait déclenché ces affrontements intercommunautaires, d'après un responsable local, dit-on toujours sur la RFI. Yvette Nijimbele, voilà, 13h14 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eli Kadogo qui a assuré la mise en onde, à Eli Nibel qui en a assuré la réalisation. Je dis merci. Je dis merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un très bon après-midi à tous, au revoir. Mireille Kanyangi.